Vous écoutez Radio Panique et c'est l'heure du Memento. Ah, salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venu l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir, soyez les bien... Oui. Ça c'est bien ça, on continue. On continue, ça sera que la deuxième intro. Bonsoir, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode du Memento. Aujourd'hui on n'est pas 2, ni 3, ni 4, mais bien 8 en studio. Il s'agit bien d'un Memento All-Star, à savoir une émission où on invitait plein de copains pour faire le bilan musical de 2019 et accessoirement décider la meilleure chanson par rapport à tout ce qu'on a amené. Ce soir, je vous demande donc de faire un triomphe pour la seule voix féminine de ce soir et la deuxième femme ever dans le Memento, Fanny. Il y a aussi Corentin, Driss, Tim, Maxime, Xavier, Nicolas à la technique et moi-même Arthur. Et je n'ai oublié personne, merci. Maintenant que les présentations sont faites, eh bien il est temps de vous expliquer le principe de l'émission de ce soir. On a tous donc fait une sélection de 2 morceaux par personne. On va présenter, écouter chaque morceau. On va voter pour nos morceaux préférés pour finir par élire la meilleure track de 2019, même si la dite track n'est pas sortie en 2019. Bref, le Memento All-Star de 2019, c'est tout de suite sur Radio Panique. Suis-moi au rap qui a l'air d'un vrai centre de tri. Y'a plein d'échecs qui ne devraient pas être ici. J'ai tombé. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent tout mouillés. Oh my god. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde. Mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Lâche ton bac. Mets du respect dans ton bac. Dans ton bac. Fais attention qu'elle se met. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais ça allait aux poubelles. Une fois par semaine, les gars de la ville ont ton bac. À la base, c'était Manatou qui inventait le recyclage. Ça l'arrive de partout, ça l'arrive de plein de places. C'est dégueulasse. Wesh. Changer des mauvaises habitudes, on dit pas, j'suis pas capable. Metal va plastique, carton papier daté. Metal va plastique, carton papier daté. Metal va plastique, carton papier daté. Metal va plastique, carton papier daté. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent tout mouillés. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde. Mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Lâche ton bac. C'est cyclable plusieurs fois, mais c'est pas ça que ça veut dire être recyclable. Oh là là. Pointe du doigt, pierre fonçable, fais ton smat, fais ton frais. Pense 3 fois avant de pitcher dans ton bac des jouets. Oh oh! Des huées. Suis-moi au rap qui a l'air d'un vrai centre de tri. Y'a plein d'échecs qui ne devraient pas être ici. Pleu et flétri. C'est non. Pneus de camion. C'est non. Matériaux de construction. C'est non. Les couches qu'elles soient pleines. Ou non. C'est non. Ça pue! Son fâchés. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent tout mouillés. Oh my god. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde. Oh oh. Mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Lâche ton bac. Carton papier, that's it. à la claire, ensemble, mets du respect dans ton bac pour démarrer ce Memento. Et c'est ton choix, Fanny. Oui, c'est mon choix et c'est sorti il y a 2 semaines en fait. C'est la commune de Laval au Québec, comme quoi les Québécois sont quand même des génies, qui ont fait une commande à la claire ensemble, qui est un groupe de rap québécois, si vous ne connaissez pas, allez écouter leurs morceaux. Très chouette. Pour très faire chouette. La promotion du recyclage, mets du respect dans ton bac, tout simplement en 2019. L'environnement, tout ça, ça marche. Donc c'est vraiment un truc premier degré, genre vraiment recyclé, oui, quoi. Oui, oui, c'est vraiment la ville qui a payé ces mecs pour faire ça. Et ça, on les aime. Et allez voir le clip aussi, parce que c'est à mourir de rire. Je confirme, je l'ai regardé, il est très bien. Voilà. Le bac, c'est la poubelle, du coup. Oui, mais du respect dans ton bac. Le bac de recyclage. Le bac de recyclage. Ouais, ouais, pour moi, un bac, c'est... Carton, papier, zatite. Un bac, de bière, quoi. Un bac de bière. Eh bien, merci Fanny. C'était un très bon premier morceau de début d'émission. Avec plaisir. Très bon réalisateur, mais merci beaucoup. Rabi. Ouais, bah, la deuxième. Ouais, moi la chanson que je voulais présenter, c'était une chanson de L'Homme Pâle, parce que pour moi l'événement musical en 2019, c'était L'Homme Pâle aux Ardentes. On est allé avec Max le rencontrer après son concert. On a été boire une petite bière avec lui qu'on avait brassée à notre coloc. Et donc du coup c'est ça que je voulais présenter. Je connaissais pas trop L'Homme Pâle avant d'aller aux Ardentes, et cette chanson Môme, c'est pour moi une de ses meilleures. Et voilà. Et puis le gars, il a été super. Vas-y, raconte. Non, mais le gars était super, super humain, super gentil avec nous, ouais. Vraiment adorable. Donc ça ajoute aussi au fait que le gars est vraiment ouais, super sympa, super et bon artiste en plus de ça. Ouais. Ma bande m'attend encore en bas, ça tombe mal, je suis à 2 doigts de les faire glisser à l'intérieur d'une fille. Môme à 27 ans, c'est comme arrêter le temps, c'est comme mettre en boucle le meilleur du film. On joue quand la nuit tombe, fier jusqu'au SAMU, rien de plus bête que le danger, mais faut bien qu'on s'amuse. Débile sans diplôme, j'ai quand même gagné des prix, je suis un mauvais exemple pour ton papa fermé d'esprit. Si pour lui je perds, je gagne. Gagne, gagne, on n'a pas les mêmes règles, pourtant c'est le même jeu. Si je perds, je gagne, gagne, gagne. Prends cette putain de vie comme un jeu, je suis encore un mot. Des autres, on en a rien à foutre. Alors tu te sens seul, seul, même dans la foule. Je sais que t'attends que quelque chose tombe du ciel, mais y'a plus de chances que ce soit la foudre. La justice n'est qu'un joli mot. T'as gagné de justesse malgré ton haut niveau. Tu peux enchaîner les succès comme Robert De Niro. Ça veut pas dire que tu sortiras gagnant du casino. Pour l'instant, je gagne, gagne, gagne. On n'a pas les mêmes règles, pourtant c'est le même jeu. Si je perds, je gagne, gagne, gagne. Prends cette putain de vie comme un jeu, je suis encore un mot. Cette putain de vie n'est qu'un jeu, je suis encore un mot. Pas de leader, pas de maître. Pleure pas si je te manque de respect comme un mot. Monte jusqu'à la mort, y'a aucun remède. J'adore ça pourvu que ce jeu dure encore. Yes, c'était L'Homme Pâle. Moi j'adore cette chanson. Maintenant on va écouter une chanson que Corentin nous a choisie. Alors on va écouter Take Me Home, Country Road. Yes. C'est une chanson de l'auteur-compositeur, interprète américain John Denver, extraite de son 4e album studio, Poems, Prayers and Promises. Sortie en avril 1971 sous le label RCA Records, elle reprend le thème musical de Carry Me Back to Old Virginia. Écrite vers 1870 sous le point de vue d'un esclave par le minstrel noir américain James Blade, la chanson est également sortie en single. Eh oui. Elle débute à la 99e place du Hot 100 du magazine américain. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. younger than the mountains, growing like a breeze, country roads. Take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home, country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye, country roads, take me home to the place. François, sous le titre « J'ai encore ma maison ». Et encore quelques années plus tard, Dick Rivers, sous le titre « Faire un pont ». Elle connaît également une adaptation en japonais dans le film « Si tu tends l'oreille », sorti en 1995. Merci, voilà. Merci Corentin. Je crois que j'ai merci dit beaucoup. Merci beaucoup, bravo. Bravo. Tim, je crois que c'est hyper intéressant. Bon, on n'a plus le temps d'écouter la chanson. Oui. Du coup. Comment enchaîner Dommage parce qu'elle est super. Ouais. Alors moi, je vais vous présenter un morceau de Fontaines D.C., parce que moi j'ai joué le jeu de présenter que des morceaux de 2019 contrairement à tous les autres. À tout le monde. Parce exactement que John Denver est sorti en 1970 machin. Et je voulais présenter Fontaines D.C. parce que pour moi c'est le gros retour des guitares en 2019 et ça c'est un gros kiff. J'étais pas au courant. Et ben, je pense à Idols, à Life, Fontaines D.C. forcément, à des gros trucs comme ça. Je connais pas. Oh putain, mais c'est vraiment les groupes anglais qui commencent à défoncer tout. Fontaines D.C. est irlandais d'ailleurs, qui n'est pas du tout anglais, peu importe. Mais voilà, et c'est un morceau très court qui défonce, c'est irlandais et ça pue dans la voix tellement les mecs ont un accent d'enculé. Et voilà, je vous présente Fontaines D.C. Big et ça sent Dublin à mort. Arthur, tu vas kiffer. Oh oui. Dublin in the rain is mine, a pregnant city with a Catholic mind. Stacks those sheets for the birdhouse jail, all mescaline when the past is stale, pale. Dublin in the rain is mine, a pregnant city with a Catholic mind. Slick little boy with a mind of Ritz, pulling that thread for the next big fix. This. My childhood was small, my childhood was small. Catholic mind, stamps those sheets for the birdhouse jail, all mescaline when the past is stale, pale. Dublin in the rain is mine, a loose ambassador for all that. My childhood was small. My childhood was small. But I'm gonna be big. But I'm gonna be big. My childhood was small. Ah, yeah, yeah, yeah. My childhood was small. But I'm gonna be big. But I'm gonna be big. But I'm gonna be big. I'm gonna be big. C'est la première action d'un homme privé de liberté. J'ai pour preuve les noms des prisonniers gravés sur les murs des geôles. Et c'est pur comme l'amour des jeunes. Le murmure des gens s'amplifie, on vit à peine, on meurt déjà. C'est le son des caves qui remontent et dérangent ces putains de riverains. Pour partir loin j'ai fraudé, nique le train et c'est tarif plein. Le béton m'a dit t'as la tête chaude. Mais le pire dans la vie c'est pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est qu'il t'arrive rien. Si l'un des miens fatigue on le relaie. Mais si l'un des miens tombe on le relève. Mais si l'un des miens part, je m'en remets pas. Même si je crois qu'on part d'ici bas pour mieux renaître, on sera là pour sa remet. L'un des miens tombe, on le relève. On sera là pour sa remet. On part seulement pour mieux renaître. Le corps est identifié chez le coroner. Hier encore, il kiffait sur le corner. Quand la vie vient te gifler, faut les coronesses. Encore une page écornée, un péché autant que tu vis avant qu'on renaisse. Tu peux faire du chiffre et finir couronné. Défoncer toutes les portes, pense au courant d'air. Pas encore honnête, je l'avoue. J'ai le cœur en miettes, je n'ai qu'un remède. C'est l'amour, je n'ai que l'on mette. J'ai l'appui de mes jeunes loups. Y'en a qui me manquent, y'a des kilomètres devant nous. Avant qu'on renaisse, quand ta bonne étoile est pudique. Un ciel noir, une larme qui nettoie les pupilles. Un camé sort une lame dont on parlera plus tard. Mais qui pour le moment ne grave qu'un secours sur les toilettes publiques. La survie vaut le prix d'un camé qui souffre. Un homme seul avec une lame sale. Soudain l'âme sort étouffée par le bruit d'une canette qui s'ouvre. On part pour renaître. Un parcours en zigzag ou parcours honnête. Tout le monde part pour renaître. Qui sera là pour sa remède? J'ai l'amour pour remède. On part pour renaître. Ciel noir. Ciel noir. 2, 3, 4. Diaby, tu me dis quand c'est bon. Intensément. Retour sur terre, le ciel est noir, une mer en terre c'est mort. Tous dans le même bateau, mais où est-ce qu'on va? On est tous aveugles dans ce qu'on voit. Les passants ont des masques et des portes comme une masse qui ressemble sans visage du voyage de Chihiro. Les démons s'amassent autour du corps qu'on ramasse et le sang paraît plus noir à l'éclairage d'un giro. Ils ne pensent qu'aux millions, alors je prends le lien sans eux. Je finis en et deviens lion. L'amour est une essence. La mort est une naissance, un jour il ne restera plus rien de ces bouches qui maudissent. Rien de ces horizons flous qui jaunissent. Plus rien de nos mères, de nos fils, de mon disque. Il ne restera rien de ces volcans qui vomissent. Et puis plus un seul écho de l'orage qui tonne. Plus un brin de pollen et plus un gramme de sel. Et plus rien de ces copeaux de nuages qui tombent. Quand des golems de béton armés grattent le ciel. Il ne restera rien des étoiles vacillantes qui s'avancent vers le centre de ces galaxies évanescentes. Ni temps, ni dimension, ni sens. L'univers deviendra comme avant sa naissance. Ciel noir, ciel noir. Ciel noir, Nekfeu, une sélection de notre cher Maxime Cassar, présent ce soir dans les studios de Memento pour ce Memento All Star. Tu n'arriveras pas à parler. Raconte-nous tout, Maxime. Donc, en gros, j'ai choisi Nekfeu, j'adore. Et en plus, il était hyper productif, le gars, cette année, hyper chaud. il a sorti, le gars, deux albums, Les Étoiles Vagabondes, et il a suivi, genre un mois plus tard, Des Étoiles Vagabondes Expansion, donc en tout plus ou moins une trentaine de chansons. Donc son concept, c'était qu'il trouvait pas trop l'inspiration à Paris, donc il a décidé de prendre l'avion tout simplement et de se barrer et trouver l'inspiration ailleurs. Il est parti au Japon, il est parti sur son île natale en Grèce, il est même venu ici à Bruxelles enregistrer avec Damso, et cette chanson-ci, elle a été enregistrée à la Nouvelle-Orléans. Et alors pour la petite histoire, ils se baladaient en ville et ils sont tombés sur un artiste de rue. Ils l'ont tellement kiffé qu'ils lui ont dit « Mec, viens avec nous en studio et on va t'enregistrer ». Et c'est lui qu'on entend, un des artistes de rue, qu'on entend sur cette track-ci qui s'appelle « Ciel noir ». Stylé. Voilà. Et maintenant, je passe la parole à Driss. Qu'est-ce qu'on va s'écouter ? À vous les studios ! Alors moi, la chanson que j'ai choisie, c'est une chanson qui s'appelle « Freebird » de Lynyrd Skynyrd. Il y a une petite histoire derrière, c'est le fait que Lynyrd Skynyrd, Freebird, c'était dans la bande-son d'un vieux film que j'ai vu, c'était vraiment une histoire d'amour entre, tenez-vous bien, Orlando Bloom et... et Orlando le ballet. Légolas, et Kirsten Stewart, qui est la première rousse avec laquelle, dans laquelle je suis tombé amoureux. Elle m'a accompagné toute mon enfance, toute mon adolescence, et à ce jour, elle m'accompagne toujours. Et d'où mon appréciation pour ce morceau de Lynyrd Skynyrd. C'est vraiment un morceau qui m'a suivi toute ma vie, durant toutes les étapes de mon évolution. Je suis maintenant un adulte, enfin j'espère l'être, et Lynyrd Skynyrd, c'est vraiment la chanson qui m'est restée en tête, qui m'a toujours poursuivi. Je sais pas ce qui était le plus chiant entre ta présentation et celle de Corentin tout à l'heure, mais là on a un best-of. Non, mais là je parle de mes émotions, de mes sentiments, et tu peux... Il se livre et tu le casses comme respect. Ça. Il y a aucun respect, vraiment. Mais, oh. Et vraiment, ce qui m'a toujours vraiment touché dans ce morceau-là, c'est la capacité de ce groupe à toucher... Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu le clip de Lynyrd Skynyrd, de ce morceau-là, Freebird. Il performe devant des milliers et des milliers et des milliers de gens qui sont tous là, juste là, pour kiffer la chanson, pour kiffer l'ambiance. Et ça, c'est la chose la plus belle que j'ai vue sur YouTube. Enfin, à part la vieille vidéo de chat que j'ai vue il y a deux semaines. Celui qui fait des pianos. Non, le chat qui fait du piano, effectivement. Ouais, j'ai vu une vidéo d'un chat imposé sur un cochon. Vous écoutez le solo du guitariste et vous vous sentez quand même transpercé aussi par l'émotion. Et je vous laisse écouter. Freebird. Et je vous laisse apprécier. Lynyrd Skynyrd. I'm as free Freebird, Linus Skynyrd, le meilleur pour moi solo de rock ever. Et peut-être la meilleure chanson de 2019, puisque je vous rappelle qu'on vote, n'est-ce pas? N'oubliez pas qu'on est en train de voter pour tout ce qu'on écoute, pour pouvoir faire une sélection à la fin. Après ça, on part sur quelque chose de plus mash-up. Ah, oui, on reste sur du rock. À moitié, du coup, vu que c'est un mash-up, avec oui. Foo Fighters, jusque-là c'est cohérent, c'est d'accord. Un peu dans la lignée de Lynyrd Skynyrd, quelques décennies plus tard. Et un petit mash-up assez surprenant que j'ai écouté il y a quelques mois, qui m'a bien plu, j'ai pas grand-chose à dire dessus, en général les mash-ups c'est un coup de cœur, comme ça, ça te transperce, comme dirait Driss. Et du coup, c'est un mash-up entre Foo Fighters et Earth, Wind and Fire, qui s'intitule Walk But It's September. September, love was changing the past, but tonight, while chasing the clouds away, our hearts were ringing in the key that our souls are singing as we dance in the night. c'était un mash-up que je trouve absolument incroyable, Nicolas d'ailleurs, merci beaucoup, entre les Foo Fighters, le morceau Walk, et September, que tout le monde connaît, de Earth, Wind and Fire. Donc un grand merci, j'avoue que je pense que je vais poser un gros gros like à la fin sur ce morceau. J'annonce, merci. J'annonce direct. Yes. La suite? La suite. Eh bien, en fait, à la base, quand moi j'ai préparé les morceaux que je voulais préparer pour cette émission, eh bien, j'avais pas trop prévu que c'était un concours. En fait, du coup, j'ai vraiment fait genre, qu'est-ce que j'ai réellement écouté? Assume, Arthur, assume. Oui, mais j'assume le fait que c'est inassumable. Et donc j'ai préparé ce que je voulais écouter en 2019, ce que j'avais vraiment écouté en 2019. Et comme j'ai une année assez riche en rebondissements, je me suis rendu compte que j'ai fait pas mal de choses, écouté pas mal de choses, surtout qui étaient pas mal dans la nostalgie. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai écouté beaucoup d'un groupe de reggae que j'écoutais dans ma jeunesse. Des gens qui m'ont donné envie d'avoir des dreads. Et donc grande influence dans ma vie. Ils sont tous en train de me lancer des chips et de me chatouiller. C'est pour ça que je galère un petit peu. Et donc à l'époque, ce que j'écoutais, eh bien, c'était un certain groupe Broussailles, un groupe français de reggae qui a fait des trucs de plus en plus kitsch, en partant du fait que c'était déjà du reggae. Mais bref, moi j'adorais et ça m'a fait du bien certains matins de cette année d'écouter Broussailles en allant bosser. Et c'était le kiff absolu. Et alors là, on revient au tout premier album. À l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de sous, mais cette énergie des premiers groupes, des groupes qui font leur premier album avec avec cette urgence de faire quelque chose, peu de moyens, plein d'énergie, plein de talent. La fameuse énergie des fumeurs de bédo. Exactement. Et d'ailleurs, ces fumeurs de bédo font du ska, du petit ska gentil, du new roots ska. Ils sont pris de la coke. Voilà. Et donc c'est Broussailles avec et le manège tourne. Notre futur et toutes les merdes qui balancent dans l'océan. Un monde pourri, tu veux pour nos enfants. Mais cette guerre posée n'est pas une fatalité. Les chaînes finiront enfin un jour par céder. Suivre des changements, alors il faut te bouger. Montrer que tu es là en désaccord avec leurs idées. Big up, piqué pour un message international. Bois de bois d'homme, c'est phénoménal. Merci aussi au monde des souhaits de racisme. Je suis prêt à lutter contre les actes extrémistes. Merci à tous ceux qui s'informent de la vérité sur Track. nation, venir participer à une lutte engagée mais loin d'être terminée. Dans la vie y a des grands moments de bonheur, y a des cris et puis des pleurs, et le manège tourne. On m'a dit qu'il y aurait des coups durs, des ciels de bonne augure, mais où en sommes-nous? Oh, ce qui compte le plus c'est d'apporter sa pierre à l'édifice, participer sans artifice. La musique est notre moyen d'action, à chacun de trouver sa façon de rester actif. Wonder why Optimum Prime is. Never underestimate your highness. Stripped in melanin, galaxy's finest. Put a bit of pressure on the spirit at the highest. Do it, I will. Do it, I will. If they don't believe me, then you betcha I will. If they don't believe me, then you betcha I will. Bit a big happy love for the betcha I chill. Flow. Oh my gosh. Where man go? Oh my gosh. If I'm not seeing it. Oh my gosh. Yet you never know what you got till it. How the world is, nah, they don't know me. They don't know. They can't hold me. They can't. They box, they box, they talk. I know they can't show. Please believe me. They deceive me. They flex, they flex, they flex. I know they can't see me. C'était Sampa the Great qui a été découvert par le label Ninja Tune qui est passé à l'AB il n'y a pas très longtemps, qu'on est allé voir avec Fanny. Et ça, voilà, ça pète sa maman. Et je crois que c'est à Fanny. Oui, on va continuer dans l'esprit féminin. Mais alors, on va repartir dans les années 1970 parce que fait chier, 2019. Donc, féminin, mais obligé. Voilà. C'est bien aussi. Bah ouais, féminin, obligé. Allez, Jeanne Moreau. Quelle histoire, une femme qui se libère, qui rencontre un Brésilien et qui nique avec. Et ça fait plaisir. Ça me rappelle. Voilà. Ça me rappelle le Brésilien. Ça me rappelle une histoire. Une histoire racontée tout à l'heure, mais on ne dira pas plus. Voilà. Partageons, partageons. Sacré team. Du coup, on écoute Jeanne. Ou Jean. Cet homme est là qui me regarde, je m'y accroche par mes gardes. Je n'ai pas su baisser les yeux, il semble en être très heureux. cela pour un aveu. Mes yeux sont noirs, les siens sont bleus. Oh, oh, oh, quelle histoire. Il va croire que je le veux. Oh, oh, oh, oh, comment faire. M'en défaire si je peux. Cet homme est là qui me sourit. Il me parle et j'en suis ravie. Je suis le dessin de sa bouche, légèrement sa main me touche. Ce soir je ne suis pas farouche, prise au piège comme une mouche. Oh, oh, oh, quelle histoire. Il va croire que je le veux. Oh, oh, oh, oh, comment faire. M'en défaire si je peux. Cet homme est là qui prend mon bras, je le suis, je ne sais pourquoi. Nous sommes un peu trop intimes, je vais encore être victime d'une aventure bellissime, cette rencontre est rarissime. Oh, oh, oh, quelle histoire. Il va croire que je le veux. Oh, oh, oh, oh, comment faire. Défaire si je peux. Cet homme-là me déshabille. Ce soir mon corps sent la vanille. Tout simplement il a dit viens et vainement je me retiens. Il fait tout cela pour mon bien. Son désir a tissé les liens. Oh oh oh quelle histoire. Va croire que je le veux. Oh, oh, oh, oh, comment faire. M'en défaire si je peux. Cet homme est là à mon réveil. Dehors il fait déjà soleil. Nous reprenons notre entretien. Ce n'est pas un théoricien. Quel est son nom. Je crois qu'il est brésilien. Oh, oh, oh, quelle histoire. Il va croire que je le veux. Oh, oh, oh, oh, comment faire. M'en défaire si je peux. Oh, oh, oh, quelle histoire. Il va croire que je le veux. Oh, oh, oh, oh, comment faire. M'en défaire c'est trop. C'était Jeanne Moreau, quelle histoire, 1970, une nana rencontre un Brésilien et c'est pas son prénom, elle couche avec, c'est génial, c'est 2019, le féminisme. 1970, on aime Jeanne, toujours. Merci. Maintenant c'est ta team qui va nous présenter une autre femme. Une autre femme qui est... Marquante. Voilà, qui est également la Jeanne Moreau de notre époque, je pense. La Black Jeanne Moreau, comme on dit ici. Moi je vais vous parler de Aya Nakamura qui a retourné le game en 2019, qui a retourné le game en 2018 également, mais 2019 c'est vraiment son année, on peut pas le nier. Mais voilà, en tant que gros fan de reggaeton, de Revolver et de Cornes de Brume, je vous propose cette edit de Pookie par King Doudou. Alors voilà, qui n'a pas dansé sur Pookie cet été me jette la première pierre. Je pense que ça a retourné toutes les soirées mousse de tous les campings d'Allemagne jusqu'en Nouvelle-Zélande, j'en sais rien. Mais voilà, on s'écoute Pookie, Edith, King Doudou. Franchement, sortez les revolvers et sortez les déhanchés parce que là, c'est faut twerker, les gars. Ça part. The Goulou. Baby veut du sale, allo, million dollars, bébé tu veux Ah, c'était la Queen Aya Nakamura avec Pookie, remix King Doudou à balle de flingue, ça défonce. Voilà. Moi, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Aya Nakamura, c'est un truc qui m'a énervé franchement cette année, c'est qu'elle était, elle était invitée sur le Téléthon, elle a chanté sa chanson juste en Pookie, et en gros, la meuf, elle savait absolument pas ce qu'elle foutait là, quoi. Donc à un moment, Nagui lui dit... je sais pas, dites un mot pour le Téléthon ou quoi. Toi, tu m'étonnes déjà qu'elle parle pas japonais. Et la meuf comprenait pas, genre, elle appelait le 3637 pour stopper. Il y a un gros blanc comme ça, et franchement, c'est ça qui m'a énervé, c'est que des fois elle râle, genre, oh, on sait pas très bien prononcer mon prénom. Enfin, il y a eu plusieurs fois où pendant l'année, genre, les gens râlaient à propos. Enfin, elle râlait à cause de ça. Et la meuf, on l'invite au Téléthon, et elle sait même pas dire d'accord, un mot pour l'émission, quoi. Je trouve ça un peu déconné. Bienvenue dans du clash et du buzz. Pas sur Radio Panique. M'en fous, je dénonce. On ne votera pas pour Aya Nakamura. Voilà. Please. Voilà. Non, après, c'est une reine, et franchement, ses chansons sont incroyables. Ok, ouais. Ok, Nicolas. Oui, c'est moi. Avec le prochain titre. Petite bascule de style, si peu, vu que je vous propose les Beatles. Alors oui, les Beatles, vous allez me dire, oh, mais c'est un petit peu facile quand même, les Beatles. Oui, mais en fait, ils ont sorti, enfin eux, pas vraiment eux, j'imagine que c'est Sony, leur boîte de prod ou leur studio qui a décidé de sortir une espèce de grosse compile qui s'appelle The Beatles. Je dis pas une connerie, je me demande pas si c'est pas McCartney qui a racheté tous les droits et qui a dit, on refait un mix de tout le bordel. Et donc, en gros, c'était en 2018, sans doute, ils ont fait pas un remix ou un remastering, ils ont fait un mix 2018, donc ils ont pris toutes les pistes de tous les instruments des Beatles et ils ont remixé un petit peu comme maintenant, mais enfin ils ont mixé comme si l'ingénieur du son était de 2019, comme avec les techniques actuelles, mais les pistes de l'époque. Avec le bruit de flingue et tout. Alors jusque là, c'est pas exceptionnel, mais ce qui est vraiment fou et ce qui est vraiment chouette dans cet album, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de titres qui ne sont pas les musiques qu'on a retenues, les takes, les prises qu'on a retenues dans les albums des Beatles qu'on connaît, mais les premières prises ou les troisièmes prises ou les dixièmes prises, ce qui fait que parfois il y a des musiques qui ont énormément changé, énormément évolué, et d'autres qui ne sont pas tout à fait au point. C'est notamment le cas de celle-ci. Hey Jude. On a, je me permets une petite incartade qui est que Hey Jude est une version magnifique, est un mash-up acoustique, à savoir que c'est donc un mélange de Metallica et les Beatles, qui s'appelle Beatalica, fatalement, et ils chantent Hey Jude, et donc c'est la chanson des Beatles avec le chanteur. Avec une imitation de James Hetfield, le chanteur de Metallica, et ça fait un truc vraiment genre Hey Dude. Avec une ouverture de canette en intro, c'est parfait, enfin c'est magnifique. C'est magique, mais c'est pas ça qu'on va écouter. Mais s'il y a une chose qu'on peut reproduire, c'est vraiment que Nicolas a essayé de respecter. Attendez, il y a Driss qui essaie de parler avant cette magnifique intervention. Il y a Nicolas qui a essayé de respecter vraiment l'essence de toute cette émission en radio avec une chanson qui n'est même pas au complet. Mais elle est au complet. Bref, on va l'écouter. Moi, je trouve que c'est super beau parce que ils ont pas fait commencer merci la chanson dès le début. Merci. On les entend soit répéter, soit parler avant l'enregistrement, soit après en disant ah, celle-là elle était pas mal, on va peut-être la garder et tout. Et ça, je trouve ça hyper intimiste et hyper cool de se replonger dans le studio de l'époque. Bref, on aurait peut-être dû la passer avant il y a quelques bières, mais on écoute Hey Jude Take One. T'aurais pu passer Happiness is a Warm Gun pour rester dans le même truc de King Dudu et des gros flingos, quoi. Ouais, c'est vrai. T'aurais pu faire beaucoup de choses mieux. Est-ce qu'il y aura des vocodeurs? Il n'y a pas d'autotune non plus. Allez, c'est parti. On y va, on l'arrête, s'il vous plaît. Thank you. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, Jude. Son en personne, Frangin. Wow, cette édite est incroyable. Il est absolument magnifique. On est d'accord que son beatbox à la fin, il fait ta ta ta ta ta. Cette version est d'une magie folle. Waouh, putain. Et alors, après cette magie, je vous propose une magie d'une autre mer. De l'autre côté de la... De la, la magie de la bonne mer, enfin. De la bonne mer. De la bonne mer. Exactement, après Hey Jude. Peut-être on ça va être... À... Hey Jude. Jude. Bra, bra, bra, la zone en personne. Yes, donc on n'a rien préparé ce soir, les gars. Respecté et respectable. On parle d'un homme qui a produit 3 albums en une seule année. Yes. Je parle évidemment de Jules, les amis. Jules. Nicolas n'est pas du tout prêt pour cette relance qu'il n'avait pas prévue. Merci, ouais, donc je vais vous parler de chanson. Ça veut le port d'armes et les gros bras Jean-Claude Van Damme. Je fume la veuve d'Amsterdam, celle qui est bonne qui te monte au crâne. Tu veux de la bonne, le petit écrase de Doliprane. Si dans le vice tu déconnes, tu reviendras armé en bécane. Moi je fume des cannes, nanana, et je déconne, nanana. J'ai que je vous étonne, nanana. Encore un album, nanana. Je suis plus dans la zone, nanana. Je me suis taillé, nanana. Nicolas Sol, nanana. Je m'en vais, ça y est, nanana. Pochon dans le sac des choix. Thank you. Alors, c'était Problème d'amour d'Alexandre Robotnik, c'était évidemment mon choix. J'avoue, j'ai le hockey, du coup, tout va bien. Par contre... Oui, merci Driss. Qu'est-ce que je dois dire? Les gars, c'était quoi je devais dire encore? Est-ce qu'on peut le refaire vite? Non. C'est dur. Mais du coup, les gars, tu assumes. Et les gars, ça commence l'émission. Du coup, les gars, j'assume totalement et absolument. J'ai trouvé ça incroyable, Driss. Merci beaucoup. Xavier, la suite. Yes, la suite. Le morceau que je veux présenter, c'est 93 Empire. Ah, tout bon. La lampe 3. 93 en Belgique, mais bon, comme ils viennent du 93, on dit 93. Mais pour moi, c'est la crème du rap français actuellement. Sans Jules, désolé, y a pas de Jules. Quoi? La chanson est sortie en 2018, désolé Tim. Mais pour moi, c'est vraiment une chanson que j'ai découverte cette année et qui envoie du gros lourd. Elle raconte quoi cette chanson? Elle raconte quoi? Elle a une sémantique qui s'inspire des Schtroumpfs. Sémantique, joli. Enfin, je veux dire, je sais pas si. Qu'est-ce que ça veut dire sémantique? Non. Trois syllabes déjà, c'est pas mal. Ça, on dirait un nom de truc que t'écrases, de médicament que t'écrases à sniffer, tu vois, dans le tiek. Non mais il y a une référence au Schtroumpf. Il faut la trouver. La soirée vient de commencer. Il faut la trouver. Et sinon, moi, j'adore l'instru, j'adore les paroles, j'adore les rappeurs qui font la musique. Voilà. Et nous, on t'adore. Voilà. Et nous, j'aime le. Je t'adore aussi, Driss. Lance Nicolas, lance la musique, s'il te plaît, vite. Lance donc ce rap musique. Sur le roi, je sors le tout le monde, Hermès, Dolce, Gabbana, Yalet, Giro, et frère, détail de la peine de charge le on les bagarre, on les je rentre chez, je récupère mon j'appelle mon gars qui me ramène de là, je vais sur le Rhin, faire une sortie comme mon fils me dit qu'aujourd'hui c'est je l'écoute même pas, je me sers un verre d'eux, je demande au tartin, je décris mon œuf. Reste en forêt, c'est moi là, la grosse mou. Envoie des mandats à tous les mecs au cas. Ça sent la tâte pas, je tape une dernière rap. J'suis dans les cités, je travaille comme un art. Artenapi, le dealer c'est fait. Avec des kilos, des quêtes pleins de peu. C'est encore le baveux, celui qui porte la qui. Qui sort du rush, t'as pour une maxi quiche. Tout est, sous la cagoule, tout est, gang. Tout est, 9-3, empire, tout est. C'est comme Hussani, j't'aime pas, mais j'vais rester sympa. Mais Kala et moi, j'pense pas. Par où j'suis passé, c'est comme un trou noir. À l'époque, personne voulait de moi. Mais moi, j'ai pas perdu la mémoire. Vénégué, c'est putain de combat. T'es qui t'as fait quoi, j'm'en bats. Un smic et demi sur la taille, 3-9 munis sur la schneck. Si tu la montes, tu la payes. 9-3 empire du racket. 9-3 empire sur la tape. 9-3 empire sur la stène. 9-3 empire ou en mieux. Ouais, 9 grammes en shit ou en deux. Y'a du sang français sous la sape italienne. Mi capitaliste, mi alien. Mi super saiyan, mi gosse, mi menace iranienne. Mon écuyer chargé le cayenne. C'est mani la mitraille, qui mani la mitraillette. J'écris des chansons hardcore, mi satanique, mi païenne. Tout est, tout est, sous la cagoule. Tout est, gang. Tout est, tout est, 9-3, empire. Tout est, tout est, tout est, sous la cagoule. Tout est, gang. Tout est, tout est, 9-3, empire. Tout est, je m'endors et je me réveille dans de la litriance. Ma soeur fait pas la porte, elle fait des études en droit. VVS avec un banquier hongrois. Dans les bons moments, dans les meilleurs endroits. Fais pas les empas, on va vous laisser en quoi. J'ai la coupe à Goku, tenant d'un brocard. La moitié de mon repas, c'est pour envie du mois. J'ai mis des micros, ils ont failli n'avoir. Mon moteur du GLE, la conversion de ma voix. Pense à l'os des gars, j'ai pas croisé un black. Que des gérants de four, ouais des mecs du 9. Ouais des mecs de chez moi. vide un scala négro dans triple S Valenciaga. Sur un casse personne arrive en retard, ça va streamer ce soir comme une hagra. Une légende qui vient pour faire du carnage avec un flingue à barille et papa. Chacun son délire comme Vadma, je casse la démarche. T'as le glock qui fait clic clac, t'as le glock qui fait clic clac, t'as le glock qui fait clic clac, t'as le glock qui fait clic clac, t'as le glock qui fait clic clac. Scala négro dans triple S Balenciaga. Sur un casse personne arrive en retard, ça va streamer ce soir comme une hagra. Tout est sous la cagoule, tout est gang, tout est 9-3 empire, tout est sous la cagoule, tout est gang, tout est 9-3 empire, tout est. Wow, c'était le 93, le 93 pour les Belges, même si Xavier nous a fait une petite leçon là-dessus. Bah en fait, on n'a pas vu le temps passer, mais c'est déjà l'heure de... Non, c'est bon. C'est déjà l'heure de la dernière chanson, de ces 16 chansons. Ah non. Ah oui, mais non. Ah non. Mais en même temps, ah, c'est peut-être un peu trop tard. Non, parce qu'il a fait l'effort. Il a fait l'effort. Okay. Alors ce sera ma dernière chanson, mais après ça, il y a encore deux chansons à écouter, à savoir les chansons, la sélection de Kevin, qui n'est pas là, mais qui, avec son grand cœur... à participer à cette émission. Pourquoi j'ai dit ça? Je n'en sais rien. Ma deuxième track est aussi quelque chose d'une grande nostalgie, mais dans une reprise extrêmement cool, extrêmement funky, à savoir la reprise par Scary Pockets, qui font des reprises funky de plein de choses, parfois avec goût, parfois moins, mais là, en l'occurrence, pour moi, en ce qui me concerne, j'adore énormément. Je crois qu'il faudra que vous alliez voir la version donc, de Scary Pocket de la reprise de Backstreet Boys. Il faut la voir en vidéo parce que je crois qu'elle est plus appréciable en vidéo parce que la tronche des mecs qui jouent raconte le kiff qu'ils ont à jouer ce truc extrêmement pop et extrêmement notre adolescence, quelque part. Pour ceux qui l'assument. Moi, je l'assume. Merci beaucoup. On l'écoute. I Want It That Way, Backstreet Boys par les Scary Pockets, une reprise qui m'est très très cher. Si vous voulez voter pour cette reprise, appuyez sur le 2 au 37-38. Merci beaucoup. La suite, eh bien, c'est la sélection que notre cher Kevin nous a envoyée. Plein d'amour, plein de regrets de ne pas être dans ce studio à 8, dans une ambiance de Fire Bon Babylon des plus totales. Pardon, excusez-moi. Ton comeback reggae. J'ai craqué. Et mes cheveux qui repoussent d'un coup, là. Et donc, Kevin nous a envoyé trois morceaux dont on a sélectionné deux, vous en foutez un petit peu. Et nous, on a sélectionné deux morceaux dans ce qu'il nous a proposé, à savoir d'abord Stormzy avec son titre Vossy Bop. Et je vous lis ce qu'il nous a écrit. Un des albums de cette fin de l'année, un des artistes anglais de l'année, avec comme point d'or une prestation à Glastonbury où Stormzy est monté sur scène avec un gilet pare-balles customisé par Banksy, rien que ça. Et donc Vossy Bop, c'est un bon banger qui fleure l'anti-Brexit et l'anti-Boris Johnson. Potentiellement, on enchaînera après le rap anglais, on enchaînera avec du rap bruxellois et le fameux Zwangregi. Et après ça, on aura la chance, le plaisir, l'immensité ardente de découvrir les votes pour la chanson préférée, pour les trois premières chansons, et après on fera un grand débat pour décider de ce qu'on fera de tout ça. Vossy Bop, Stormzy. Merci beaucoup de me sauver. La, my brothers don't die, we just Vossy Bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a fish just to top it off, ay. My brothers don't die, we just Vossy Bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a face with just to top it off, ay. You ain't got a clue, let's be honest. I had a couple seasons, made a forest. I put in the work and take the profit. Looking at my girl, like what a goddess. Thank God. Rule number two, don't make the promise. If you can't keep the deal, then just be honest. Just be honest. I can never die, I'm Chuck Norris. Chuck Norris. Fuck the government and fuck Boris, yeah. I'm a villain, killing when I'm barring. Brothers in the hood, just like the movie that I star in. Service in my whip, I phone the boss to bring my car in. I could probably take a trick, but I just wouldn't, cause she's jarring. Ooh, I got the sauce, don't know what you for. Catch me up and slowing in my sliders and my shorts. Sure. Chick's trying to get my brother flips to share his thoughts. I think he's trying to tell me I should tell her he don't talk. I don't fuck with her. Yeah, I used to hit it, but you're stuck with her. Man, I wouldn't even try my luck with her. Yeah, let's say I'm bougie. Word. Way too exclusive. Word. Chilling in Dubai, know I get it all inclusive. Word. Now may I ask if you can find it in your spirit, yeah, to leave us all alone and go and mind your fucking business. Huh? Looking in the mirror saying my key, you're the illest. Yeah. Man, I'm James Bond trying to live my movie like I'm Idris. What we telling them, look. My brothers don't die, we just Vossy Bop. I tell you I got to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a face with just to top it off. My brothers don't die, we just Vossy Bop. I tell you I got to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a face with just to top it off. My brothers don't die, we just Vossy Bop. So much Vossy, I might open up a Vossy shop. Mommy saying that I need to get some sleep. All this flying overseas is always fucking up my body clock. And all this stress has got me wrecking up my brain. So tell these little fishes back up off my name. Hey. I ain't gotta be a rapper with a chain. Cause the rules are kinda different when you're badding up the game. Straight. Badding up the game, bad it up again. Yeah. Had him up before, I have him up again. Yeah. Fake brothers, man, your man and more pretend. Yeah. Pussy by himself, he's battling with his friends. Ah, oh, you man are so insecure, man, it's a joke. Man, it's a joke. I need a ball in the yard, cause I'm the goal. Still the goal. If you believe in your source, then raise a toast. Raise a toast. These are some genius fools, so make the most. Told them, say me some. I need all the homage, could you pay me some? Man, I'm dropping bangers on your baby mums. Girls say I'm rude, word. They wanna see me nude, word. My name's Stiff Chocolate, I got nothing left to prove. I got holes in my lapel, rubbing shoulders with your girl. Which one of said that I will go to jail? Well, I guess you have to hold the L. Tell them this is London City, we the hottest in the world. But we telling them, look. My brothers don't die, we just Vossy Bop. I tell you I got to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a face with just to top it off. My brothers don't die, we just Vossy Bop. I tell you I got to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a face with just to top it off. It's time to break the chains of love. guess we's back in the motherfucking house. This hier in the building met zijn hand op zijn kruis. Hier 10 gram weed en nog meer in de schuif. Al mijn G's en mijn queens zitten nooit aan de snuif. Vanavond gaan we lokken, what the fuck is up? El Chulo Papi hier neemt een grote slok. Mix die Henny hypnotic, smoke een dikke top. Muziek is ons leven en voor hun een job. Billy Holiday alsof het hier een feestdag was. Willem Rolly en een hele dure regenjas. We zaten niet op school, maar zijn we eerste klas. Gier en Daryl op een via op een topnotch gras. Sinds dat geen dat ik hier ben, hou ik het altijd G. De lady aan mijn zijde is een echte queen. Mijn daddy's en mijn Jerry hou het altijd real. Want sokken blijft de sokken van de industrie. It's time to break the chain. So I roll a double L. Long. Your wifey, yeah, she know me very well. Yeah. We be kicking it A double L night long. Welcome to the G spot. Pause. B and Z G on the couch. All these women lose their draws. Wanna put a pause on me. Ride till the morning. Marijuana burning got me zoning. Can't seem to find my phone. What's going on? I don't even know what strain I'm puffing on. Bugging, leaning. Trying to keep my pants up. Walk with a limp. I was raised like a gangster. House full of bad women. Trying to stay faithful. Then my homie told me all the liquor been paid for. I don't want pussy. Y'all trying to get paper and forever stay ganged up. Say what? It's time to break the chains of love, of love. It's time to save the day. Yeah. Every time I'm blessed, every time I'm blessed. We kick a flow, slack on sliver. Ervan afhangt. In de kitchen koken, net een kibabi bang bang. Skip de school, gingen liever naar de bank al. Flippen coins, tellen euro's nog in frank, man. Oh, no. Big D code. Used to sell quarters, half a whole key. On a good day, shit, at least three. Biggest crooks in the game couldn't cheat me. She says she, ze hebben Billy op de beat. Vlammen all night long, zet die pokoe op repeat. Back up in the easy baby. Die zet je, he's so crazy. Baby, don't tease me. Course a nigga speak Dutch, do me shit easy. Don't touch me, yeah, I wanna move freely. My Jamaican ting bump beanie. Haters come get it when you see me. It's down to break the chains of love, of love. This night will save the day, yeah. Every time I'm blessed, every time I'm blessed. Zwanger Guy. Une jolie proposition de notre ami Kevin avec le nom de cette chanson qui s'appelait Funk, si je ne dis pas de bêtises, sur cette magnifique BO de Curly. Merci beaucoup. C'était donc les deux propositions de notre ami Kevin. Et il est venu, on le salue, on l'aime beaucoup, on le remercie et potentiellement votera peut-être pour lui. Nous sommes donc arrivés au grand moment. Le grand moment du vote pour désigner les trois premières chansons du classement sur lesquelles on débattra. Plus tard. Alors c'est pas très radiophonique, mais on a un grand tableau qui est comme ça affiché dans le studio. Donc je propose qu'on aille un petit peu chacun à son tour. Alors pour la facilité, je propose Xavier, qu'on commence par Nicolas, comme ça Xavier peut noter les Alors le les problème c'est que je ne vois absolument pas le tableau de là où pour je les suis. Gens qui ne sont pas avec nous, on a effectivement le tableau blanc, mais on a aussi le canon à mousse qu'on va débuter. Ah, ça et les stripteaseuses. Alors, si je dois me lancer, si je dois commencer, moi je vais débuter bah, justement par la première musique qu'on a écoutée, c'est-à-dire une musique de Fanny, oui avec, rappelle-moi un petit bac. Peu, mets du respect dans ton bac. Incroyable. Mais en plein, franchement, franchement, ouais, de découverte, donc je mets un vote pour la chanson de Fanny, mets du respect J'adore. Dans ton bac. Je et crains qu'on soit quelques-uns à faire ce choix. Je vais rester, c'est très important. Peut-être un choix étonnant, mais je vais rester dans la liaison de l'amour, vu que je vais choisir une des chansons de Corentin, la chanson de John Denver, Denver oui. Bring me home. Qui m'a fait voyager en fait. Et take c'est me home, country road. Donc, take me home. Je choisis celle-là et je lance la patate chaude à Arthur. Eh bien, écoutez, je n'ai pas tout à fait pris de décision. Il me semble qu'effectivement, le premier choix la première chanson était une évidence parce que le son est fou. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que pour une fois, sur une commande publique, c'est un truc qui a un style de fou. Et rien que pour ça, ça me fait un plaisir de dingue. Merci les fonds publics, j'ai envie de dire. Merci qui soutiennent ma vie en ce moment aussi, donc quelque part. Dit-il la faim au ventre, Arthur vote à gauche, c'est officiel. Je ne vais pas cracher dessus. Maintenant. Là, j'ai une hésitation avec laquelle pour laquelle je veux bien débattre avec vous. C'est soit la qualité du mashup de Fifoulek, à savoir Foo Fighters et Earth, Wind and Fire. Exactement. Pour la qualité du mashup, pour ça, à savoir que en termes de tonalité, de rythmique et tout ça, le mélange des deux, c'était genre pas évident. Il y a vraiment du talent là-dedans. J'ai envie de te dire pourquoi t'hésites. Excellent choix. Mais j'ai aussi envie de voter pour une chanson qui a mis l'ambiance en ce studio où on a tous gueulé comme des porcs, à savoir Aya Nakamura. Hey Jude. Oh Dieu, oh, j'ai glissé moi. Oui, tu as malheureusement cru, mais je trouve que parmi les bons moments de cette émission, il y a eu Hey Jude. Et quelque part, est-ce que mon vote, parlant beaucoup de nostalgie, ne pourrait pas aller à quelque chose d'extrêmement nostalgique? Si je puis, Hey Jude, c'est pas un vote de pitié parce que vous avez ruiné mon intro, rassure-moi. Non, ok, d'accord. Alors, ça va. D'ailleurs, un de mes votes à moi, personnellement, c'est Hey Jude. Parce que voilà, c'est une musique. Eh bien, écoute. C'est la musique nostalgie, c'est la musique. Voilà, eh bien. C'est la musique nostalgie, non seulement parce que bah, c'est les Beatles qui l'ont fait il y a quelques années, et c'est aussi parce que c'est Nico que j'ai pas vu depuis quelques années. Parce que c'est aussi ça, le memento d'aujourd'hui, c'est le memento copain. Est-ce que Nico, c'est pas un peu ta Kristen Stewart ou pas? Un petit peu. Un petit peu. Il y a pas assez de taches de rousseur, mais sauf que j'ai pas encore. Bref, j'annonce, je vote pour Hey Jude pour le moment de kiff en studio. De toute façon, j'hésitais entre deux tracks de Nicolas. Ouais, bah quelque écoute, part, l'amour des copains est toujours là. Donc Driss, Hey Jude. Comme je disais, ma première track, c'est Hey Jude. Et ma deuxième, c'est L'Homme Pâle, évidemment. Yes! Because why the fuck not? And les, you know, têtes, because I speak American. Les têtes commencent à se déconfiter. J'en vois dans le studio des et surtout parce que la musique de Fanny, franchement, non. Mais c'est pas un truc de préférence de pote, hein, qu'on se dit, c'est pas genre. Et si on commence les problèmes maintenant ce soir, autant que ça vienne de moi. Non, mais une petite précision, c'est pas parce que t'es plus pote avec un non, que tu vas voter pour sa chanson, c'est ça, hein. On vote pour la chanson. Comment tu t'appelles encore? T'es qui toi? Quel bâtard. On ne vote pas pour ses amis, mais le fait de. On parle de la chanson avant la personne qui a choisi la chanson. Bien sûr, moi j'ai parlé du kiff qu'on a eu tous ensemble en studio et j'ai dit d'ailleurs, en fait j'ai pas fait exprès, mais j'hésitais entre deux trucs de Nicolas. Ce qui me fait plaisir par conclusion et pas par préclusion. Bref. Et quel cul, les gars. Tim, ton tour, raconte-nous tout. Alors moi, sans hésiter sur le premier choix, voilà. C'est clairement le mashup Foo Fighters et Wind and Fire. Je comprends. Sans aucun doute, c'était. Non, mais Nico, il a sorti les billets. Hein, ma découverte. Donc Nico repart avec une bouteille de champagne de type triple carmélite et direct. C'est pas encore fait. Donc voilà, premier morceau sans aucune hésitation, c'était Earth, Wind and Fire, mashup Foo Fighters. Et la deuxième, j'ai vraiment hésité longtemps. Entre quoi? Bah en fait, soit je choisis un morceau que j'adorais déjà, c'est-à-dire John Denver, Take Me Home Country Road, qui est le morceau de mon enfance. Moi, j'ai l'impression de repartir en Normandie sur mon cheval. Je comprends. Clairement, quand j'entends ce morceau. Parce que évidemment, tu as fait énormément de cheval dans j'ai ta jeunesse. J'ai fait énormément de cheval, voilà. En vrai ou pas? Pas du tout. Je déteste les gens qui font du cheval. Parce que c'est des gens qui votent à droite, voilà. Et c'était une émission de gauche, on va pas se mentir. Je vous encourage d'ailleurs à voter Benoît Hamon en 2022. Exactement. Et le deuxième morceau... voilà, ce ne sera pas John Denver parce que ce serait trop facile, je suis désolé, mais ce sera clairement dans le même registre, JCVD de Jul. Ah, oh, c'est moi. La zone en personne, Frangeng, voilà, merci. À la bonne mère. Donc là, on part sur du gros Marseille. Merci. Donc voilà, JCVD de Jul, sans aucune hésitation, ça part direct. Corentin, c'est ton tour. Rapproche-toi du micro, le micro se rapproche de toi. Mais j'ai pas encore tout à fait décidé. Ok, donc premier morceau, moi j'aurais tendance à dire aussi le mashup. Le mashup était chouette. Joli. Foo Fighters, c'est cool. Et le deuxième morceau, j'ai aucune idée, les gars. Genre, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Ça sera donc Aya Nakamura. Le deuxième morceau, j'ai envie de dire le deuxième morceau de Fanny, c'était. Oh. Oui, je sais. Sa copine. Oh, bah oui. On sait avec qui tu rentres ce soir. Jeanne Moreau. Il sait même pas le nom. Malboro. Une jeune qui débute qui Malboro. Malboro, Jeanne Moreau. Salut les gars. C'est Jeanne Malboro. Merci Corentin. Fanny, toi qui as potentiellement un max de votes. Ah ouais. Ouh. Je sais pas. Allez. Peut-être. J'avoue que personne s'y attendait. Ah ouais. Mais je t'en prie, vas-y. Regarde, Doris. Ouais, regarde-le. Écoute-le. Allez. J'écoute les Beatles, le mashup Beatles, j'avoue, j'ai. Ok, attends, le mashup Beatles. Il y a pas eu. Il y a un problème, il y a un problème. Je recommence. On a pas eu la même clarifie mission. Ta précision. Beatles. Les Beatles, ok, d'accord. Premier vote, les Beatles. Je valide. C'est hyper 2019. Hein, make sense. On a vraiment la track de 2019. Okay. Merci. Bah, ça marche. Ça marche. Alors que tu disais en off que tu détestais cette chanson a priori. Non, alors pas que du tu tout. Disais à la, au fond, donc tu je t'ai menti. Tu m'as menti, voilà. Je t'ai menti. Merci beaucoup, bravo. Alors que t'as pas arrêté d'insulter Nicolas en off. Quoi. Ouais, mais ça, c'est la radio, la magie de la radio. On est d'accord, on est direct. Et le deuxième vote. Bah, je t'avoue que je vais voter pour Lynyrd Skynyrd parce que c'est mon c'est un groupe que j'adore en fond. Je comprends. Donc toi, tu votes clairement à droite, du coup, contrairement à tous les autres. J'assume. La fille qui vote, tu listes, voilà. Non, mais je fais passer du Jeanne Moreau à la radio. Quand même. Il faut pas la censurer parce qu'elle vote correctement. le marqueur de Xavier ne fonctionne plus. Il va devoir utiliser sa mémoire pour retenir tous les votes. Et le vote suivant, c'est notre cher Maxime Cassard. Pourquoi est-ce que tu votes, mon ami ? Eh bien. J'allais partir justement sur les Beatles et Jude, qui est pour moi une des chansons. De ma vie que j'adore. Ça pue le mais. Par contre, petite précision. A priori, le but est de voter sans trop l'influence des autres, parce que non, c'est mais pas, tu vois c'est pas mon influence. D'accord. C'est pas l'influence des autres, etc. D'accord. Ça moi. Je le sais. Ok. Non. Raconte. Pour moi, si les Beatles et Jude, c'est une de mes chansons préférées de ma vie. J'adore cette chanson. Mais pour moi, elle ne représente pas 2019, elle est trop chouette. Et je ne savais même pas qu'il y avait des autres tracks avant, donc l'histoire, etc. est incroyable. Donc j'adore l'histoire qu'il y a autour de cette chanson que je ne connaissais pas du tout. Donc merci Nicolas pour la découverte. Mais. On n'a pas toute la night. Mais je ne retrouve plus le nom. C'était celle de Tim, la deuxième, je crois. Fontaine's DC. Fontaine's DC, là. Yes. Celle-là, elle était trop bien. Mais là, pour le coup, c'est une découverte pour moi. Et je voulais mettre en avant une découverte. Donc, c'est quelque beau. Chose que je ne connaissais pas. Bravo. Et franchement, donc, c'est je mets en avant une découverte avant quelque chose qui est pour moi une chanson de la vie, comme Hey Jude, que j'adore. Donc, je mets en avant une découverte de ce soir avant. De 2019. Donc, et voilà. Par contre, dommage qu'on n'ait pas tout dit à la radio. Un point pour Tim, pour moi. T'avais déjà marqué, non ? Je sais plus. Genre... Et la deuxième, pour moi, c'est. Bah alors là, pour le coup, c'est vraiment 2019 et c'est L'Homme Pâle avec Janine, qui a été vraiment l'artiste et l'album de cette année pour moi, qui était vraiment incroyable, que j'écoute en boucle tout le temps. Donc, un point pour Xa avec L'Homme Pâle et Mom. Ok. Yes, merci Xa. Merci Max. Xavier, le compteur des points, tu es le suivant. Oh oui, j'aime bien parler cette fois, c'est cool. Xavier, raconte-nous, qu'est-ce que tu as aimé dans ce que tu as écouté de la part des autres ? Raconte-nous, Xavier. Moi, je voudrais voter pour Driss, pour son monologue magnifique sur où il s'est livré. En fait, c'est vraiment plus que la chanson, c'était vraiment l'explication qui m'a envoûté. Le moment de radio. Effectivement. Des gens qui payent 50 euros par semaine pour une séance de thérapie. Moi, effectivement. Et donc, du coup, pour moi, c'est Lynyrd Skynyrd, Freebird. Joli. Cette introduction exceptionnelle. Un point pour Lynyrd Skynyrd. Et pour moi, c'est toi, Xavier. Oh. Ah, c'est beau. Voilà. Et sinon, évidemment, Aya Nakamura. Yes. Yes. Non, les vrais sœurs. On sort les guns dans le studio, là, vous le voyez pas, mais c'est incroyable. Et donc voilà, et c'est un deuxième choix, mais un premier choix tout autant que Freebird, des guns, Aya Nakamura, quoi de plus. La life. Ok. Alors, il est venu le temps de compter les points. Alors, Xavier a marqué sur notre tableau les votes différents des différentes personnes. Je suis pas très bien placé. Hein. Mais en attendant qu'on fasse les comptes mathématiquement pour savoir quelles sont les trois premières chansons sélectionnées parmi nos votes. Parmi nos votes. Nous avons une petite surprise, un petit cadeau radiophonique. Maxime, es-tu prêt? À chanter au karaoké? Allez. Tu n'es pas ça si... veut le port d'armes, les gros bras de Jean-Claude Van Damme. Séquence ASMR. Je pensais à une autre poésie. La poésie de Radio Catherine Barzix. De Catherine Barzix, exactement. Voilà. Partout hasard. Alors, décidons d'un chiffre, partout. Les amis. Alors, vous avez le choix entre, je vais vous dire, entre la page numéro 93 ou 4. De 9 à 71. On est le 18. 69. 18. On part sur le 18. 18, voilà, page 18. On est 8, c'est bon. Alors, à partir de ce moment, il va commencer à lire. Xavier va. Il y a pas, ça va des pages impaires en fait. Xavier va compter les pages. 2019, page paire en fait. 2019, page 19. Vas-y, champion, joli. Fais-nous bader. Joli, page 19. Et donc, quand. Attends, un petit instant, Maxime. Xavier, tu fais le top des trois chansons avec le plus de votes. Pendant ce temps-là, Maxime fait son vote et à la fin. Top à la vache. On top découvre les trois chansons, les trois chansons qui ont eu le plus de votes et on les ameneurs de ces tracks défendront exactement ces musiques. Ok. 3, 2, 1, Maxime, c'est le moment de faire comme en Reto où on lisait des poèmes. C'était beau. Merci. Catherine Barzix, disparue. Baby le monde dans un ballon. La craie comme l'ouate et le talc, la langue au seuil de la parole. Chaise d'enfant, mollet ballant, aux heures lentes, tout est grand. Pas une miette n'est banale. Recule et goûte les couleurs. Étreins l'angoisse de tes mains. Escale, tout à trac. Mentir, cela vient vite. Maraude incessante. Éclat de joie. Effronté. Détale. Rit. Putain, c'était incroyable. Wow. Merci, merci. Merci, Maxime. Merci beaucoup pour ce joli moment de poésie. Je sais. Xavier. Alors, au niveau des votes, Est-ce que je peux t'emmerder? Est-ce que tu peux annoncer 3-2-1? Avec un suspense pour le 1, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on a une égalité. On a une triple égalité pour le 4-3-2. Ok, raconte-nous tout. Donc, on a deux votes pour les Foo Fighters vs Earth, Wind and Fire, September. Linus Skynyrd, Freebird. Oh, et okay. Lumbal Mom. Si je n'ai pas oublié de vote. Et donc ça, ce sont les 4-3-2. Ouais, d'accord. Et le gagnant, du coup, est Très 2019, une chanson québécoise. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Non, pour moi, ceux qui ont la chanson qui a reçu le plus de votes, c'était les Beatles. Ah oui. De Hey Jude. Joli. Nico. Merci. Okay. Merci pour eux. Alors, ils iront loin, je suis sûr. Alors, je propose, on avait prévu de voter de défendre les trois premiers, mais quelque part, le premier est décidé alors qu'on a une magnifique égalité entre trois morceaux. Ce que je vous. Merci, Trice. Ce que je vous proposais donc, c'était de défendre chacun votre tour les trois morceaux qui sont en égalité pour décider. Voilà. Donc c'est quoi? Tu peux répéter. Petite plaidoirie pour les trois morceaux en égalité. Les trois en égalité pour moi c'est Lumpal avec Mom, Liner Skynyrd The Freebirds et Foo Fighter September. Comment? Ils sont en égalité. Ils sont en égalité. Ouais. Bah tu peux commencer par défendre Lumpal peut-être Xavier. Lumpal pour moi c'est mon morceau de 2019, de l'avoir rencontré aux Ardentes. De cet album qui est pour moi magnifique et puis les paroles, ce que cette chanson raconte, pour moi c'est incroyable. Ok. Voilà. Et personnellement, Lumpal franchement, il a des paroles, d'accord, tu peux y découvrir ce que ce que tu ressens. Mais au final, ça reste très objectif et ça reste très limité, ça reste très dirigé vers une certaine... Ouais, est-ce que ouais. Mob, c'est un clin d'œil par rapport à l'âge de ses fans ou pas? Oui. Je crois que c'est un clin d'œil à son propre âge. Oh. Non, mais vraiment, parce que Lompal le dit lui-même, il target sa musique, son groupe vers lequel sa musique est dirigé, c'est des jeunes, c'est pas une mauvaise chose. Mais en même temps, on perd de la profondeur, on perd de... Non mais... Attends, pour le défendre, moi je trouve que c'est... Il y a des sens, il y a des niveaux de compréhension que Lompal n'est pas capable d'atteindre parce que justement, il parle avec des gens... Parce que c'est pas Jules. Non. Alors que pour autant, franchement, écoutez les gars, on est tous d'accord. T'écoutes Lionel Skynard et à chaque fois que tu l'écoutes, à chaque réécoute, t'as vraiment une nouvelle dimension qui s'ouvre à toi, non seulement à toi, mais certainement à celle mais de on parle d'un autre siècle, à celle de l'auteur ou de du musicien qui justement grâce à toi, avec toi et en même temps que toi découvre une nouvelle dimension à sa musique. Pour moi, les musiciens, ceux qui ne savent pas mettre des mots sur des instruments, c'est que leur art n'est pas comblé, tu vois. Tu vas pas déconner. Pour moi, Lompal, c'est un des seuls rappeurs qui a réussi à mettre des mots bien précis sur des émotions que certains autres rappeurs n'ont pas réussi à faire. Vous êtes toujours sur Radio Panique, bienvenue dans l'émission Parlons Bourré. Donc pour moi, je défends Lompal. Autour du plateau, Driss. Maxime. Bing bing. Abstinent depuis 35 secondes. Ils vont livrer leur témoignage. On les écoute. Octogone sans règle. Ok, une seule chose. Pour moi, les rappeurs, à l'heure actuelle, disent probablement plus ou moins la même chose, tu vois, ils sont assez semblables. N'est-ce pas ? Pour moi, Lompal, c'est un de ceux qui se différencient des autres. Okay. Il arrive à mettre des mots très précis sur des émotions, chose que ne savent pas faire tous les rappeurs. Donc pour moi, Lompal, il est défendable là-dedans, c'est qu'il arrive à toujours à placer des mots sur des émotions et sur une génération qui se cherche. Donc pour moi, je défends Lompal dans le sens, il trouve des mots très précis. C'était la défense de Lompal. Merci beaucoup les amis. Le deuxième morceau à défendre. Xavier, tu es prêt. Dans 3, 2, 1. Lionel Skynyrd, Freebird. Driss. Aïe. 15 secondes pour répéter ce que je viens de dire. Oui, oui. On a dit Driss, on a dit pas Gad Elmaleh. Hein. Et 15 secondes pour mettre à bas la vue complètement subjective. Mais on a pas joué à bas. Ah, t'es le ouf. Non, mais vraiment, la façon dont Maxime a expliqué sa vision de Lompal, il n'y a remarqué que la vision subjective de ce qu'il voulait attendre de cet artiste. Alors que Lionel Skynyrd, c'est une musique qui parle à tout le monde. Mm-hmm. À toutes les époques. Mm-hmm. C'est pour ça que... C'est qui dit, hein. Donc c'est dépassé, c'est pas 2019. C'est pas dépassé, attends. C'est pas désapé. D'ailleurs... C'est pas désapé, putain. Soit. C'était la défense de Lionel Skynyrd, Freebird. Parce que quelque part, est-ce qu'un classique doit se défendre lui-même? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Merci beaucoup. Xavier, je change de micro comme ça, de l'un à l'autre. Xavier, oui. Troisième morceau à défendre, s'il te plaît. C'est le son, les Foo Fighters vs Earth, Wind and Fire, September. J'ai pas grand-chose à dire, j'avoue que j'avais oublié que j'étais en égalité pour la troisième place, mais... Je veux dire, pour départager cette battle entre Lompal et Freebird, moi je dis bah, autant choisir le troisième choix pour ne pas faire de jaloux. Hein, ça c'est le choix facile que je ferai. De lâche. Non mais il y a déjà deux groupes dans mon choix, donc c'est déjà doublement cool. Il y a deux groupes très différents aussi, Foo Fighters d'un côté, Earth, Wind and Fire de l'autre. Et on oublie souvent, il faut le dire, troisième artiste de cette chanson, c'est quand même le mec qui a eu cette idée géniale, vraiment géniale, de fusionner ces deux titres qui fonctionnent et qui cohabitent à merveille. Et c'était pas... J'aurais pas signé un seul copec, un seul pesetas sur l'alliance de ces deux morceaux. Mais donc, moi, juste pour le plaisir qu'on a tous eu en écoutant ce petit mashup, je voterai forcément pour celui-là. Et si je peux me permettre, très personnellement, par rapport au choix des deux, où il y a la nouveauté et plutôt le classique, quelque part là, on a un mélange de nouveauté et de classique, puisque c'est à la fois Foo Fighters, groupe récent relativement, et Earth, Wind and Fire, qui est... moins récent, on va le dire comme ça. Et c'est là où il y a le, c'est là où il y a la beauté. Il y a le mélange des deux, et c'est là où pour moi c'est fort. Vous couchez ensemble. Voilà. Parfois. Bref. Sur ce, Nicolas, je vais te prendre totalement par surprise et je vais. Quel enchaînement. Et je m'apprête à t'enculer en direct. En parlant c'est de pas très radiophonique, mais d'accord. Allez, c'est parti. Je propose qu'on passe un dernier morceau avant le morceau de conclusion qui sera le morceau gagnant de cette soirée. Donc tu vas passer un morceau pendant ce temps, on va voter. Et ce sera le morceau de conclusion. Tu es prêt? 3, d'accord. Est-ce qu'on prendrait pas un mot au hasard dans, oui. Dans le truc de poésie et on prend le premier morceau qui passe avec ce mot-là? Qui a du sens, qui a du sens, okay. On est d'accord. Alors je vous propose... Je propose que tu relises le poème carrément. Non, un mot au hasard, prends un mot au hasard. Non, je lis un poème et vous me dites stop quand le mot vous intéresse. Non, choisis un mot. Choisis un mot dans un, et une page dans un poème. Et ça part sur attention, stop. Je vais choisir angoisse. Angoisse. On n'a pas fait beaucoup de morceaux d'angoisse. Hein. Ah, parmi nos sons à nous. Non, parmi le lance. Si, parmi ce qu'on a... Qu'est-ce que nous propose Spotify avec angoisse? Il nous propose angoisse... Matinale. Et eh ben partons sur un autre mot. Tu veux un autre mot? Angoisse d'Orléac. T'as pas genre aller où la grosse moula ou un truc comme ça quoi? Mais ça rimait pas en fait, ça marchait pas. Angoisse enroulée de guérilla poubelle. Ah, oh, ça sonne bien ça. Voilà. Pendant ce morceau, nous allons décider du dernier grand gagnant de cette soirée. Nous allons le réécouter et vous laisser là puisque je pense que ça fait très longtemps que vous écoutez cette émission. Si vous l'écoutez encore, merci beaucoup. Angoisse d'Orléac. Oh oui, merci beaucoup. C'était ce morceau pour couvrir nos débats intensifs qui n'ont donné aucune autre réponse que on ne sait pas se mettre d'accord sur les trois qui étaient à égalité, mais il y a ce Hey Jude des Beatles qui manifestement a remporté le plus de votes. Et donc on va déclarer ce morceau grand gagnant de la soirée. Bien évidemment, on va pas le réécouter puisqu'on le connaît déjà et on le connaît. Ah pourquoi énormément. Pas bon, il y avait plein d'autres trucs et tout le monde. Vous êtes pas d'accord? Ok, non, mais je suis d'accord pour qu'on. Alors, du coup... Moi, je crois que Driss le chante. Non, parce que... Moi, je croyais honnêtement que ça allait être les Québécois qui allaient gagner. Je croyais que tout le monde avait kiffé ce morceau. Ouais, pareil. Et que c'était genre le premier et que du coup ça avait marqué les. Non, Jules. Non, non. Quand même. Du coup, pour ne contenter personne ou pour contenter tout le monde, exactement. Un consensus général ou presque, hormis 3-4 personnes sur 8, on va dire que c'est ça relativement va. Général. Aussi 7 sur 8. On a décidé de partir avec une dernière chanson qui sera la conclusion de cette émission. Oui. Après dernière, 16 alors, chansons, autant de litres de bière. 18. Je pense qu'il est temps de conclure. C'était en tout cas un plaisir de vous avoir autour merci de la beaucoup. Table. Avec qui il y avait Xavier. Allez Xavier Maxime ouais, Fanny Corentin Tim Driss et moi. Merci Nicolas, j'ai essayé de toucher Nicolas pour Nicolas dire mec annonce-moi, ça serait stylé. Oui, non, t'inquiète. Et on s'est pas compris. Annonce-moi, Nicolas. On s'est pas compris. C'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Annonce-moi. Ah oui. Et Nicolas. Et Nicolas, et Nicolas. On vous donne rendez-vous dans un mois, le 4e jeudi du mois de janvier, est-ce pour qu'on... une émission. On l'a décidé. Est-ce qu'on peut déjà annoncer le thème? Attends. Pause. Tu allais annoncer le thème de l'émission. Non, je demandais si on savait l'annoncer. Ah oui, on peut. On l'annonce. Ah, on l'annonce. On l'annonce. Donc je disais. Eh ben vous êtes les bienvenus les amis. C'est ça la beauté du Memento, c'est l'ouverture encore, au monde. Est-ce qu'on sera encore amis à ce moment-là? Oui, j'espère bien. Pas. Tout ça pour dire que le 4e jeudi de ce mois, cette fois-ci en direct, eh bien ce sera un Memento spécial beauf, un thème que nous avons décidé en buvant une bière. Autant dans vous dire la qu'on rue, se tire vers le haut. En fumant une clope, on se tire vers le haut. Le Memento va de plus en plus haut. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Merci les amis d'avoir partagé ce studio avec merci nous. Merci à vous. C'était extrêmement chouette. Juste après notre émission, je n'ai aucune idée parce que je ne sais pas quand elle sera diffusée, mais profitez de la vie sur Radio Panique et profitez de la vie avec Philippe Catherine parce qu'il a toujours des bons conseils. Je propose qu'en guise d'introduction à cette chanson, on fasse un gros bordel pour le plaisir des 2 heures d'émission que nous venons de passer. Merci beaucoup. Vous êtes blond. Parce que je suis blond, je suis bon en natation. Parce que je suis blond, je tutoie les condés. Parce que je suis blond, je passe à la télé. Parce que je suis blond, jamais été contrôlé. Monsieur le blond, si je ne t'appelle pas mon frère, c'est parce que tu n'es pas mon vrai frère. Ouais, je sais, c'est un peu con, frère. C'est parce que je suis blond, frère. We'll be right back.